La nuit prochaine, cette instabilité va gagner vers les Alpes du Sud et la Corse, donnant des orages sur le relief. Le Mistral et la Tramontane restent forts cet après-midi, vers 70 km/h en rafale du golfe du Lion au delta du Rhône, également en vent d'ouest très sensible sur la Corse. Les températures fraîches cet après-midi au nord de la Loire ne dépasseront pas en moyenne 18 degrés à Brest, Lille, Rouen et Reims, 21 à Paris, 22 au Mans et à Dijon, il fera 24 à Lyon, 26 à Nice, 27 à Toulouse, 30 à Nîmes et à Marseille. Demain, pas de changement sensible au niveau des températures, généralement comprises entre 18 et 21 degrés au nord de la Seine, 23 à 27 plus au sud. Et si les Alpes-Maritimes et la Corse gardent un ciel plutôt incertain avec des averses orageuses une grande partie de la journée, le reste du pays conservera ce dimanche un temps sec et ensoleillé avec un vent fort autour de la Méditerranée et des brouillards matinaux dans les plaines du sud-ouest. Consultez la météo du jour et les prévisions sur 7 jours, département par département, par téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou sur Minitel 3615 France Inter, 35 centimes d'euros la minute. France Inter, 13h20, rendez-vous avec X, vous dévoile une énigme de la guerre froide, l'opération Ryan. Et si le monde était passé à côté de l'apocalypse nucléaire sans le savoir? À l'automne 1983, très exactement au beau milieu de la crise des euromissiles, comme on l'a appelé. Je ne veux pas déflorer le propos de M. X, mais je vous rappelle simplement ce qu'il me disait la semaine passée à propos de Yuri Andropov, l'ex numéro 1 soviétique, l'homme qui avait entrepris de lutter contre la corruption qui gangrenait l'URSS. Andropov, m'a-t-il dit, avait naturellement beaucoup d'ennemis à l'intérieur, tous ces hiérarques du Parti communiste qu'il a limogé, menacé et même jeté en prison. Mais il en avait aussi autant à l'extérieur, des gens qui ont exploité la paranoïa propre à tout dirigeant politique. Toutefois, ces manœuvres, si j'en crois M. X, ont bien failli précipiter la planète dans une catastrophe sans précédent. Un mot avant de l'écouter. Jamais autant qu'en 1983, la tension n'a été aussi vive entre les deux super grands. Le président Ronald Reagan vient d'annoncer la mise en œuvre de l'IDS, c'est-à-dire la guerre des étoiles, qui représente une importante brèche dans l'équilibre de la terreur. D'autre part, l'URSS accusé d'avoir abattu un Boeing 747 coréen est victime d'une violente campagne d'opinion, alors que l'OTAN commence, après l'échec des négociations de Genève, à installer en Europe de l'Ouest ses premiers missiles Pershing, destinés à riposter à la menace virtuelle des SS-20 soviétiques positionnés de l'autre côté du rideau de fer. Enfin, et surtout, au Kremlin, on se dit persuadé que, tôt ou tard, les États-Unis lanceront une attaque nucléaire contre l'URSS. Jamais, depuis la crise des fusées de Cuba, on ne s'est trouvé aussi près du gouffre. Mais que dissimulent vraiment tous ces événements? Quelle est la part de la réalité et celle de la désinformation? Monsieur X répond dans un instant. Notre oncle femme bricoleur faisait un amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Et son travaux pratiques, il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Mais tout. Ben oui, Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se joue en un quart d'heure, c'est de ce qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ah ben, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours palpant avec amour ses atomes d'hydrogène pour se distraire en l'air limite et pétard sous son lit, mais il sourit à peine. Et puis un jour qu'il essayait de faire sauter le poulailler, il fruit tout en pleine gueule. alors couvert de sparadrap. En buvant sans tilleul, tonton nous déclara à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Tiens, tiens, j'y retourne immédiatement. Sachant au jeu le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages, mes petits agneaux. » Et quand la bombe a explosé de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas, je vois les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné, et devant les jurés, le voilà qui babafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme on a mes consciences. En détruisant tout cet orgueil, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on condamna, et puis on l'amnistia. Quel pays reconnaissant lui fit immédiatement élever un monument. Quel pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je voudrais commencer par une anecdote qui fait rétrospectivement froid dans le dos. Mmh. Une nuit de la fin septembre 1983, le bruit lugubre d'une sirène retentit dans un bunker ultra secret de la banlieue de Moscou. Et c'est là que se trouve installé l'état-major de prévention des attaques de missiles. Oui, là, en somme, la tête d'un réseau de surveillance. Oui, oui, un réseau de satellites qui couvre le monde entier, et particulièrement l'Amérique du Nord. Et justement, l'un de ces satellites vient de détecter le lancement de 5 fusées américaines qui se dirigent vers le territoire de l'URSS. Pour le lieutenant-colonel Petrov, qui commande ce centre de surveillance, la Troisième Guerre mondiale vient de commencer. Ah ouais, alors il faut répondre immédiatement, c'est ça? En avertissant d'abord le Kremlin, qui décidera presque automatiquement du déclenchement du feu nucléaire. Toutefois, Petrov, malgré la panique qui s'est emparée de tous les officiers présents, hésite un instant. Certes, l'information donnée par le satellite est précise. Mais par expérience, Petrov sait que ce réseau de satellites n'est pas entièrement fiable et se détraque fréquemment. Et puis il y a surtout le fait que les systèmes de surveillance au sol n'ont encore rien détecté. Ouais. C'est un terrible cas de conscience, non? Parce que ce Petrov, au fond, elle sort de son pays entre les mains. Et aussi il sort de la planète. Et il n'a pas plus de quelques secondes pour prendre une décision. Alors finalement? Eh bien Petrov prend sur lui et décide qu'il s'agit d'une erreur technique. Et c'est vrai? Oui. On s'apercevra plus tard que le satellite Cosmos a confondu le scintillement du soleil sur un lac américain avec un tir de missile de croisière. Ouf! En effet. Et sans le sang-froid de ce lieutenant-colonel, on allait tout droit à la catastrophe. Si j'ai voulu commencer par cette anecdote, c'est qu'elle est très révélatrice du climat explosif de cette époque pas si lointaine. Oui, il y a 20 ans, quoi. Ah, 20 ans seulement, oui. C'était hier. Et on était revenu au pire moment de la guerre froide. En fait, tout a commencé en 1977 avec la décision soviétique de déployer des SS-20 en Europe de l'Est. Les SS-20, des missiles de moyenne portée, c'est ça? Oui, et ce sont des armes qui sont essentiellement destinées à frapper l'Europe de l'Ouest. Et en Allemagne particulièrement, on est très inquiet. Oui, parce que c'est une rupture de l'équilibre militaire en Europe. Hein. Évidemment. Jusque-là, la RFA vivait à l'abri du parapluie de l'OTAN. Un parapluie classique capable de résister à une invasion des blindés soviétiques. Mais l'installation d'armes possédant des ogives nucléaires, ça change tout. Et assez rapidement, sous la pression des dirigeants ouest-allemands, l'OTAN envisage de riposter en positionnant à son tour des missiles Pershing en Europe occidentale. Toutefois, en attendant d'en venir là, on décide d'abord de discuter avec l'URSS. C'est les fameuses négociations SALT hein, de Genève. SALT et START, c'est ça, oui. Ouais. Et entre-temps, il faut le noter, les États-Unis changent de président. Ouais, Ronald Reagan arrive à la Maison-Blanche. Reagan, ouais. Pour qui l'URSS représente l'empire du mal. il est évident qu'il adoptera une politique beaucoup plus ferme que celle de son prédécesseur, Jimmy Carter. D'autant que les soviétiques viennent d'envahir l'Afghanistan. Oui, fin 79. Hein, oui, puis ça. Bientôt il y aura la Pologne. Ouais, la reprise en main du général Jaruzelski qui décrète l'état de siège. Hein. Donc, toutes les conditions sont réunies pour durcir les relations entre les deux grands. Après la détente des années 70, c'est une deuxième guerre froide qui commence. Pourtant, l'année 81, qui voit Reagan devenir le nouveau locataire de la Maison Blanche, débute par une proposition du maître du Kremlin, Leonid Brejnev. Il se dit prêt à accepter un moratoire sur le déploiement des SS-20. Un moratoire, c'est-à-dire... Ben, il se déclare disposé à geler ce déploiement. Oui, c'est-à-dire pas de SS-20 supplémentaires. C'est ça, oui. Ouais. Les Occidentaux ne peuvent pas accepter parce que ça veut dire qu'ils entérineraient la présence des missiles déjà déployés en Europe de l'Est. D'autant que Brejnev n'accepte ce gel que si l'OTAN renonce à installer des Pershing en Europe de l'Ouest. Ouais, c'est une sorte de marché de dupes. À peu près, oui. Ouais. Les Occidentaux refusent cette proposition avec la plus grande fermeté. Et ils affirment en même temps qu'ils déploieront leurs propres missiles fin 1983. C'est la rupture. Non, non, les discussions se poursuivent à Genève, mais le climat est de plus en plus méfiant, d'autant que les États-Unis se lancent dans une politique d'armement sans précédent. L'objectif, on le comprendra plus tard, c'est d'essouffler l'URSS. Oui, en la contraignant à se mettre à niveau. Exactement. D'autant que cet effort militaire porte essentiellement sur les technologies les plus sophistiquées. Donc les plus chères. Forcément. Or, les Américains n'ignorent pas que malgré le pillage systématique d'informations scientifiques auxquelles se livrent les taupes soviétiques, l'URSS est très en retard dans ce domaine. Et ce sera encore pire quand Reagan lancera son programme d'IDS, l'initiative de défense stratégique. Ouais, que les journalistes ont appelé la guerre des étoiles. Ouais, hein. C'est joli, mais enfin c'est très exagéré. En fait, qu'est-ce que ça voulait dire? Reagan voulait que les savants mettent au point un système qui rendrait les armes nucléaires inefficaces et dépassées. Oui, en construisant une sorte de bouclier qui protégerait le territoire américain. Ouais, bouclier d'armes antimissiles. Des lasers installés sur des satellites tueurs qui frapperaient les fusées soviétiques dès qu'elles auraient décollé. Mmh. Est-ce que c'était sérieux? Ou est-ce que c'était du bluff? C'est bien ce que vous voulez dire, non? Oui, tout à fait. Mais il y a des deux. À la CIA, par exemple, beaucoup de spécialistes doutaient de l'efficacité d'un tel bouclier et même de sa possible mise en œuvre. Sans compter que Reagan lui-même avait dit que le programme n'aboutirait pas avant l'an 2000. Et puis ces mêmes spécialistes n'envisageaient pas trop la possibilité d'une attaque préventive de l'URSS. Mmh. Et Reagan, y croyait-il lui-même à sa guerre des étoiles? Franchement, je n'en sais rien. Mais il ne pouvait ignorer que les soviétiques avaient déjà pensé à la guerre des étoiles. Ils avaient même mis au point des satellites tueurs de satellites. Ah ouais. Mais aux États-Unis, attendez, est-ce qu'il y a un commencement d'exécution Oui. Le président Reagan a effectivement mis sur la table des milliards de dollars pour élaborer ce programme. Et ça a permis au complexe militaro-industriel de faire de considérables progrès en matière de recherche. Mais dans les faits, ce programme mirifique était surtout destiné à ruiner l'URSS dans cette coûteuse course aux armements. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ce système de guerre des étoiles n'existe toujours pas. Et les Américains ont toujours du mal à frapper un missile en vol par un autre missile. Mais l'IDS a clairement contribué à affaiblir l'URSS. Hein. Ça, c'est certain. Ajoutez à cela l'enlisement soviétique en Afghanistan, largement suscité par les États-Unis qui ont encouragé et armé les Moudjahidines. Et vous avez les deux causes principales de l'effondrement de l'Empire soviétique. Mmh. Mais au fond, en quoi cette IDS a contrarié les soviétiques? C'est facile à comprendre. Si les États-Unis construisaient un vrai bouclier protecteur, c'en était fini de la dissuasion nucléaire. D'un seul coup, les fusées soviétiques ne servaient plus à rien. Oui, et à Moscou, faute d'un bouclier comparable, on restait donc sous la menace de l'arsenal nucléaire américain. Voilà, vous avez tout compris. Et cette IDS va contribuer à affoler les soviétiques. Mais je m'éloigne peut-être un peu de mon sujet. Mmh. À Genève, les négociations s'enlisent. Oui, parce qu'aucun des deux camps ne veut céder. Bien entendu, l'atmosphère de cette négociation subit le contre-coup de l'affaire du Boeing coréen, le vol CAL 007. Oui, une affaire dont vous m'avez parlé il y a déjà pas mal de temps. Hein. Oui, je vous avais dit à l'époque que cette affaire était beaucoup moins claire qu'il n'y paraissait, que les accusations contre l'URSS méritaient d'être mises en cause, mais nous allons y revenir, car cette tragédie qui a causé la mort de presque 300 personnes à sa place dans notre entretien d'aujourd'hui... Ouais, mais n'allons pas trop vite, c'est ça? Si vous me volez mes répliques maintenant... Pardonnez-moi, mais ça a été plus fort que moi. Bon, alors on termine avec les euromissiles. La négociation de Genève capote en novembre 83. Et dès le mois suivant, les premiers Pershing arrivent en Europe de l'Ouest. Ce qui ne va pas sans provoquer de sérieux remous dans l'opinion occidentale. Vous vous souvenez sans doute des grandes manifestations de protestation. Oui, plutôt rouge que mort. Oui, et sans exagérer, on peut se demander dans quelle mesure les pacifistes occidentaux n'ont pas été un petit peu manipulés par Moscou. Un petit peu, oui. Je me souviens aussi de la célèbre déclaration de François Mitterrand, hein, les pacifistes sont à l'ouest et les SS-20 à l'est. C'est juste. Toutefois, je vous l'ai dit, il ne faut rien exagérer, car les services soviétiques ont été un peu trop prompts à revendiquer le succès de ces manifestations contre l'installation des Pershing. Ouais, pour se faire mousser auprès de leurs dirigeants. Certainement, pense, ouais. Parce que ça allait dans le sens de ce qu'on voulait entendre au Kremlin. Au Kremlin, où l'on vivait depuis de nombreux mois dans un véritable climat de psychose. Vous avez déjà entendu parler de Ryan ? Mais non. Eh ben, je vais vous expliquer. C'est complètement fou. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Revenons un instant sur l'affaire des euromissiles. Voici l'analyse de Jean-Pierre Clerc et Paul Yorsett, extraite de leur ouvrage publié chez Autrement sur le duel USA-URSS dans l'espace. 1983 devait être l'année de la grande querelle des euromissiles. RFA, Grande-Bretagne, Italie, Hollande et Belgique allaient devoir décider si oui ou non elles donneraient une suite concrète à la décision prise par l'OTAN d'accueillir sur leur territoire des Pershing en réponse à l'installation les années précédentes par l'URSS de ces fameux SS-20. L'Union soviétique comptait visiblement beaucoup sur une sorte de soulèvement pacifiste des peuples européens pour empêcher un tel aboutissement, tout comme en une précédente occasion, à la fin des années 70, un fort courant d'opinion avait convaincu le président américain Jimmy Carter de renoncer à la bombe à neutrons. En mars 1983, on pouvait penser, après tout, que les mêmes causes produisant les mêmes effets, la mobilisation contre les Pershing aurait pour conséquence d'obliger les gouvernements occidentaux à renoncer au déploiement des euromissiles. Et voici que le président américain venait compliquer à l'extrême une situation déjà passablement délicate, car Moscou avait joué son va-tout, laissant clairement entendre que l'installation des euromissiles créerait une situation de tension comme le monde n'en avait plus connue depuis la crise des fusées de Cuba en 1962. Or, le discours du président Reagan remettait d'un seul coup les choses à leur juste place. La perspective de la guerre des étoiles était autrement plus préoccupante pour Moscou. Mais comment mener de front deux combats capitaux? Ou alors, comment changer efficacement de cheval au milieu du guet? N'avait-on pas trop vite, trop souvent, crié au loup? Et ne serait-il pas très difficile d'ameuter contre un projet se présentant en première analyse comme purement défensif et de toute façon fort lointain? Ryan, avez-vous dit... Alors, de quoi s'agit-il exactement? Ryan, c'est un acronyme qui signifie en russe « attaque de missiles nucléaires ». Attaque contre l'URSS? Oui, depuis de longs mois déjà, le Kremlin vit dans l'angoisse. Les dirigeants soviétiques se sont peu à peu persuadés que les États-Unis allaient déclencher contre eux une attaque nucléaire. Une attaque préventive. D'où tenait-il cette certitude? Un petit peu de patience, si vous le voulez bien. Oui, d'accord. Donc, en mai 1981, au cours d'une réunion secrète du KGB, Brejnev prend la parole et dénonce dans une grande violence la politique belliciste de la nouvelle administration américaine. C'est celle du président Reagan. Hein? Oui, mais c'est surtout le discours de Yuri Andropov qui retient l'attention des participants. Andropov qui est alors, il faut le rappeler, hein, le patron du KGB. Et hein? qui est parmi les mieux placés parmi les dirigeants soviétiques pour succéder à Brejnev qui est déjà très malade. Bon, alors que dit Andropov? Il annonce qu'à Washington, la Maison-Blanche envisage très sérieusement de déclencher une attaque nucléaire contre l'URSS. Il convient donc de recueillir le maximum de renseignements sur les préparatifs de cette frappe. Et surtout, essayer de savoir quand elle aura lieu. Oui, forcément, afin d'attaquer préventivement. Bien sûr, et pour montrer qu'il ne s'agit nullement d'une menace fictive, le camarade Andropov dit que pour la première fois de leur existence, le KGB et le GRU, c'est-à-dire le service de renseignement militaire, vont collaborer ensemble dans le cadre de l'opération Ryan. Ah oui, donc c'est qu'il y a quand même beaucoup d'importance, mais... Oui. Est-ce que le propos d'Andropov paraît crédible à tous ces spécialistes du renseignement? Certains, enfin je pense aux spécialistes des États-Unis. Spécialistes soviétiques des États-Unis, oui, vous voulez dire. Ont dû penser que le patron du KGB était exagérément alarmiste. Bon, après tout, il pouvait disposer d'informations inédites. En outre, dans cette affaire, Andropov a reçu le soutien du plus haut dignitaire de l'armée rouge, le vieux maréchal Oustinov. Ouais, il y avait quand même de quoi être troublé. Hein. Oui, incontestablement, ça ne pouvait être que sérieux. Ainsi que pour la centrale soviétique, Ryan est devenu, toute affaire cessante, la priorité des priorités. Bref, il s'agissait de mettre en place un système de détection fiable et ultra rapide. C'est ainsi que toutes les résidences du KGB, surtout celles établies dans les pays de l'OTAN, ont reçu l'ordre d'alerter leurs taupes et de chercher des informations sur une éventuelle préparation d'une attaque nucléaire. Et ça devait aller jusqu'au moindre détail. Par exemple, hein? Il fallait noter tout ce qui pouvait apparaître comme anormal et qui pouvait donc indiquer un commencement de mobilisation. Les agents du KGB devaient surveiller les allées et venues des responsables militaires, les changements d'horaire dans les administrations ou même l'évolution des stocks de sang. C'était pas un peu trop, quand même? Sûrement. Et ça s'est traduit par une énorme surcharge de travail pour tous les résidents du KGB. Mais pouvait-il renâcler alors que le patron du KGB lui-même affirmait croire à la réalité de cette menace nucléaire? Oui, puis il y avait le contexte de la crise des euromissiles. Naturellement. Ouais. Parce que si les Occidentaux installaient effectivement des missiles Pershing en Europe de l'Ouest, la donne changeait complètement. La donne, c'était à expliquer, là. Bien. En cas d'attaque du territoire soviétique par des missiles balistiques intercontinentaux... C'est-à-dire des missiles tirés à partir des États-Unis. Oui, ou de sous-marins nucléaires. Il fallait à peu près une demi-heure avant que l'URSS ne soit frappé. Mais si des missiles étaient installés en Europe, ce laps de temps se réduirait à 10 minutes, ce qui était très peu, et ça signifiait que tous les plans soviétiques devaient être modifiés. 10 petites minutes avant de décider d'une riposte. Et d'abord de détecter l'attaque, puis comme vous l'avez dit, d'ordonner la riposte et de prendre toutes les mesures de protection pour les dirigeants et les quelques civils qui trouveraient un abri dans les bunkers ou le métro de Moscou, par exemple. Dans ces conditions, Ryan prenait donc une dimension encore plus cruciale. Et accroissait la panique. Bien sûr, il ne faut jamais oublier la dimension psychologique. Au fond, les dirigeants soviétiques avaient l'impression d'être acculés. Il faut aussi ajouter qu'à partir du moment où Andropov s'est installé au Kremlin, en novembre 1982, Ryan a subi une nouvelle accélération. Désormais, les résidents du KGB devaient même noter jusqu'à quelle heure les bureaux des administrations restaient allumés. Car toute modification soudaine des horaires pouvait avoir une signification. Oui, être assimilé à la préparation du natal. Oui, oui, en même temps, comme à l'habitude, le KGB a mis en œuvre un certain nombre de mesures actives, comme on disait dans le jargon de la maison. Soyons plus précis, là, les mesures actives, ça veut dire quoi? Bon, je vous explique. Il s'agit essentiellement d'actions de désinformation et de propagande. L'objectif recherché, c'était d'affaiblir les deux champions du camp occidental. Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Et même, si c'était possible, de ruiner leur espoir de réélection. Le premier se représenterait à la présidence en novembre 84 et la deuxième en juin 83. Et tous les deux étaient les plus fermes partisans de l'installation des Pershing. Ouais, mais enfin, que pouvaient faire les soviétiques? Et Thatcher et Reagan étaient alors très populaires. C'est juste, c'est juste. Et tout le monde prédisait qu'ils seraient réélus sans difficulté, d'autant que la Dame de Fer s'était refait une santé grâce à la guerre des Malouines. Malgré tout, le KGB, par l'intermédiaire d'un journaliste qui était aussi un agent d'influence, a essayé de monter toute une campagne visant à présenter le premier ministre britannique comme une va-t-en-guerre raciste et inféodée au grand capital. Ouais, classique tout ça. Oui, pas forcément très convaincant. D'autant que les papiers de ce journaliste très spécial n'étaient guère brillants. Et comme vous le savez, ça n'a pas empêché le parti conservateur de Margaret Thatcher de remporter haut la main les élections. Ouais, et contre Reagan Bon, la première mesure active mise en œuvre à Moscou a constitué à discréditer l'ambassadeur américain à l'ONU, Jane Kirkpatrick. Encore une fois, c'est un journaliste qui a été utilisé, mais lui sans doute à son insu. On lui a communiqué un dossier qui faisait état des relations privilégiées que la diplomate entretenait avec les dirigeants racistes d'Afrique du Sud et leurs services secrets. Résultat ? Rien. Rien, car les documents fabriqués à Moscou comportaient de nombreuses erreurs. Ensuite, le KGB a confectionné un autre dossier qui prouvait que la CIA se trouvait derrière Solidarność et que la révolte des Polonais n'était nullement improvisée. Mais là encore, les documents étaient mal ficelés. Pas brillant, ça. Un nouvel échec. Hein. Oui, alors la centrale soviétique a décidé de s'en prendre à Reagan directement. Toujours via la presse, le KGB a inspiré plusieurs articles qui le discréditaient et le présentaient comme un fauteur de guerre, un dirigeant qui soutenait tous les régimes répressifs un peu partout dans le monde. Ce qui n'était pas tout à fait faux, hein. C'est exact, on en a déjà parlé. Et d'ailleurs, il faut souligner que c'est au cours de cette crise que les États-Unis envahiront l'île de Grenade. Mmh. Mais peut-être reviendrons-nous un jour sur cette opération néocoloniale. Quoi qu'il en soit, les mesures actives contre Reagan vont également échouer. Ouais. Est-ce qu'à l'Ouest, enfin, les dirigeants savent que le pouvoir soviétique est obsédé par cette perspective d'une attaque nucléaire des forces de l'OTAN? Évidemment. Et pour une bonne raison. C'est que les Occidentaux, particulièrement les Américains, ont contribué à créer cette obsession et l'ont bien entretenue. France Inter, rendez-vous avec X. L'élection d'Andropov au poste de secrétaire général, comme l'a dit Monsieur X, a donné un élan supplémentaire à l'opération Ryan. Voici par exemple ce que l'on lit dans le livre de Christopher Andrew, Le KGB dans le monde. Au début de 1983, certains services de renseignement du bloc soviétique se joignirent à l'opération. À Londres, le soutien le plus important vint du STB tchécoslovaque, dont le résident confia à un collègue du KGB que c'était la première fois que son service avait à traiter de questions militaires. En février, les résidents dans les capitales des pays membres de l'OTAN reçurent des directives strictement personnelles qu'ils devaient conserver dans leur dossier personnel et qui leur donnaient des précisions supplémentaires sur la menace nucléaire occidentale et les mesures à prendre pour l'entraver. Le déploiement des missiles Pershing 2 en Allemagne fédérale à la fin de l'année devait, affirmait inexactement le centre, placer les cibles russes à 4 à 6 minutes de vol, ce qui ne donnait même pas aux dirigeants soviétiques le temps de gagner leur abri. À aucun moment, les 16-20 soviétiques, déjà pointés sur l'Europe occidentale, ne furent mentionnés dans les télégrammes du KGB. Cette directive envoyée à Guc, le résident de Londres, contenait des passages d'un tragicomique involontaire, révélant de terrifiantes lacunes dans la façon dont le centre voyait l'Occident en général et la société britannique en particulier. On disait en effet aux résidents qu'un signe important des préparatifs britanniques à la guerre nucléaire serait probablement l'augmentation des achats et la hausse du prix du sang dans les centres de collecte. Il reçut l'ordre de rendre compte immédiatement de toute variation de prix. Le KGB avait simplement oublié que les donneurs de sang étaient bénévoles. Très peu de temps après son entrée à la Maison Blanche, le président Ronald Reagan a initié une curieuse série d'opérations secrètes, regroupées sous le nom de code de PSYOP. PSYOP. Oui, sans doute pour opération psychologique. Il s'agissait de faire peur aux soviétiques. Des opérations accompagnées d'actions très concrètes. L'objectif poursuivi était le suivant. Il fallait que Moscou se persuade peu à peu que ses systèmes de protection et de surveillance étaient obsolètes et que les Américains pouvaient les déjouer quand ils le voulaient et là où ils le voulaient. Et encore fallait-il le prouver, Et ça faisait partie de PSYOP. Ainsi, à plusieurs reprises, la marine américaine a déployé des bâtiments dans des zones sensibles sans être détectés par les radars et les satellites soviétiques. Mais comment était-ce possible, ça? Les navires américains ont observé un strict silence radio et ils ont sans doute également envoyé de fausses informations en direction des radars et satellites soviétiques. Pour les tromper. Et ça a marché. Oui, et ça a été la panique à Moscou quand on a enfin réalisé que les bâtiments de guerre américains pouvaient approcher des côtes sans être repérés. Et même au niveau de bases extrêmement secrètes. Alors, les soviétiques se sont donc rendus compte qu'ils étaient vulnérables. Et c'était le plus recherché, naturellement. Voulez-vous des exemples? Volontiers, oui. Des avions de combat américains ont simulé des attaques contre des chasseurs soviétiques alors qu'ils se ravitaillaient en vol. Autre chose, des navires de guerre se sont approchés au plus près de la péninsule de Kola, là où se trouvait une des plus importantes bases militaires de l'Est. Ils ont même réussi à y demeurer pendant plusieurs jours sans être détectés. Ouais, effectivement, c'est assez surprenant, tout ça. C'est d'ailleurs souvent dans ces régions du Nord et de l'extrême Est de l'URSS que les Américains ont concentré le maximum de leurs manœuvres psychologiques et militaires. Or, ces régions extrême-orientales de l'URSS fourmillaient d'installations militaires, toutes plus secrètes les unes que les autres. On y trouvait par exemple la flotte soviétique du Pacifique, forte de centaines de bâtiments et sous-marins nucléaires équipés de missiles intercontinentaux. Y pénétrer, ça ressemblait fort à une provocation. En effet. Et pourtant les Américains n'ont pas hésité à organiser de gigantesques manœuvres avec au moins 3 porte-avions et une quarantaine de bâtiments. Au printemps 83 en particulier, pas très loin de la péninsule du Kamchatka, pas très loin non plus de l'île de Sakhaline, qu'on a d'ailleurs souvent comparé à un porte-avions, et où stationnaient des centaines, peut-être des milliers de chasseurs et de bombardiers parmi les plus modernes que l'URSS possédait. Une zone excessivement sensible, donc. Excessivement, effectivement. Parce qu'il faut également mentionner l'existence d'un centre d'expérimentation de missiles. Ouais. Et alors, et c'est justement parce que le Boeing 747 coréen a survolé cette région qu'il aurait été abattu. C'est bien là où vous voulez en venir. Oui. Ouais. Et les soviétiques étaient exaspérés par ces manœuvres américaines qui étaient, vous l'avez dit, de véritables provocations, mais qui étaient aussi une façon de tester les systèmes de défense et de repérage des forces soviétiques. Dans ces conditions, il n'est pas impensable qu'une véritable bataille aérienne ait été engagée. Ouais. Et le Boeing qui avait dévié de sa route aérienne aurait été la victime indirecte de ces combats? D'autant que sa signature aérienne ressemblait beaucoup à celle des avions espions américains, des Boeing transformés, qui essayaient régulièrement de violer l'espace aérien soviétique. Ouais, alors, quoi, un effet collatéral, comme tout on dit. Tout à fait possible, oui. Je suis loin d'être le seul à le penser. La politique de harcèlement menée par Reagan n'était pas sans risque. Et en dehors même de la tragédie du Boeing, elle contribuait à accentuer la paranoïa d'Andropov, qui ne voyait dans toutes ses manœuvres que prélude à une attaque nucléaire massive. Et ce n'était pas sans danger. Oui, parce que ça pouvait pousser Moscou à penser à prendre l'initiative d'une attaque. Exactement. Et à mon avis, les Américains ont dû se faire peur au milieu de l'année 1982. Que s'est-il passé, là? L'Union soviétique a procédé à une répétition grandeur nature d'une guerre nucléaire. Et ce jour-là, les militaires soviétiques ont lancé d'un site proche de Baïkonour toute une batterie de fusées et de missiles balistiques. L'alerte a duré plus de 7 heures, et je suis à peu près sûr que pendant les premières minutes, des officiers américains qui terraient dans le bunker des Rocheuses observaient cet exercice, ont vraiment cru que la Troisième Guerre mondiale commençait. Ouais, un peu comme cet officier soviétique qui a reçu l'alerte en provenance d'un satellite Cosmos. Oui, oui. Et non seulement ils ont dû avoir peur, mais ils se sont aperçus que les Soviétiques étaient capables de détruire un satellite. Ça signifiait que dans l'hypothèse d'une vraie guerre, il pourrait aveugler les satellites chargés de guider les fusées intercontinentales américaines. Ouais, bah, au fond, pour Moscou, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Hein. Tout à fait. Mmh. Et à Washington, on a réalisé qu'une guerre nucléaire n'était pas du tout impensable, et que les Soviétiques avaient les capacités technologiques de lancer une attaque préventive. Et à mon avis, c'est aussi l'une des raisons qui a poussé Ronald Reagan à rendre public son projet de guerre des étoiles. Mmh. Est-ce qu'à cette occasion, enfin, je veux parler de la répétition soviétique, là, les Américains se sont dit qu'ils étaient peut-être allé trop loin en harcelant Moscou. Je ne sais pas. En tout cas, il était clair que désormais, le monde était encore plus dangereux. D'autant qu'à Moscou, Andropov était de plus en plus obsédé par Reagan. Et le pire, c'était que les faits semblaient lui donner raison. Et les faits, là, quels faits? Fin 1983, c'est-à-dire quelques semaines après l'affaire du Boeing coréen, l'OTAN a procédé à une manœuvre d'envergure. Nom de code, Abel Archer 83, c'est-à-dire en bon français, Archer Compétent 83. Ouais, formidable comme nom de code. Et quelle était la nature de cette manœuvre? Les généraux occidentaux voulaient tester leur dispositif d'alerte en cas de menace nucléaire. Ouais, alors, ils ont donc effectué aussi une sorte de répétition, quoi. Ouais, ça a beaucoup inquiété le Kremlin. Pourquoi? Eh bien, parce que l'état-major soviétique était persuadé que le jour où les Américains décideraient d'attaquer l'URSS, ils le feraient sous couvert de manœuvre. Or, les agents du KGB en poste dans les pays de l'OTAN ont révélé toute une série d'indices très préoccupants. Une agitation inhabituelle dans les principaux organes de commandement et des changements subis de code de transmission, par exemple. Ou encore des modifications dans le système de quart des officiers. Ouais, donc à Moscou, on a vraiment cru là que le compte à rebours d'une attaque nucléaire était commencé. Vraiment, oui. Reagan, oui. Ouais. Et tous les spécialistes s'accordent aujourd'hui à dire qu'on est vraiment passé très très près de la guerre. Ah oui, parce qu'Andropov aurait pu appuyer sur le bouton de l'arme atomique. Exactement. Mais, c'est-à-dire, à ma connaissance, on n'en a rien su à l'époque. Hein. C'est vrai. C'est un transfuge, le célèbre Oleg Gordievsky, qui a révélé toute l'affaire lorsqu'il est passé à l'Ouest. Les Américains avaient donc peut-être joué aux apprentis sorciers, hein. C'est bien ce que vous vouliez me dire? Je le pense, oui, car c'est toujours dangereux de jouer sur la peur de l'autre. Je reviens au livre de Christopher Andrew, un livre d'ailleurs écrit grâce aux confessions de ce Gordievsky qui a révélé à l'Ouest l'existence de Reagan. En janvier 1984, un mois avant la mort de Youri Andropov, le KGB croit plus que jamais que les États-Unis vont attaquer l'URSS. Et dans une conférence de la centrale, son nouveau patron, Kryouchkov, a réaffirmé que Reagan demeurait la priorité absolue. Je cite Andrew. Et pardon pour la langue de bois soviétique. Le risque d'une guerre nucléaire avait, dit-il, atteint de dangereuses proportions. Cette menace dérivait des contradictions inhérentes au système capitaliste. Les monopoles américains aimeraient retrouver les positions perdues durant les dernières décennies et en conquérir de nouvelles. Les plans du Pentagone pour une guerre nucléaire se fondaient sur l'idée fantasmatique d'une domination mondiale. La Maison-Blanche était engagée dans la préparation psychologique de la population à la guerre nucléaire. L'approfondissement de la crise économique et sociale dans le monde capitaliste, avec la récession industrielle et le chômage massif, laissait entrevoir, en particulier aux impérialistes américains, la guerre comme la solution de leurs difficultés. La décision des capitalistes d'abandonner la détente pour préparer une guerre nucléaire était une réaction de classe à la consolidation des positions socialistes. Obtenir les copies des plans de guerre secrets des États-Unis et de l'OTAN constituait donc la tâche prioritaire. Un discours prononcé seulement 5 ans avant la chute du mur de Berlin. Le livre de Christopher Andrew a été publié chez Fayard. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. alors l'oiseau? Plus de voix? Ah, vous avez chanté toute la nuit pour annoncer les recyclades. La fête du tri et du recyclage. Des expositions, des débats, des jeux. C'est la fête partout en France. Ah oui, je comprends que ça vous laisse sans voix. Eh bien, dansez maintenant! Pour participer à la grande fête du tri et du recyclage du 12 au 27 juin, rendez-vous sur ecoemballage.fr ou dans votre mairie. Ecoemballage, un monde plus beau à portée de main. Snecma ouvre son capital. Pour en devenir actionnaire, contactez votre intermédiaire financier. Jusqu'au 14 juin, vous bénéficiez des avantages de la réservation prioritaire. Snecma, nos technologies au service de vos rêves. Le prospectus visé par l'AMF est disponible sans frais. MAF Assurance, bonjour. Oui, je suis en vacances. Et vous avez beau temps? Oui, mais bon, mon fils s'est fait piquer sa planche de surf. Alors là, bien sûr, ça ne vous concerne pas. Mais si, à la MAF, la nouvelle assurance habitation vous suit même en vacances. Et tout votre matériel de loisir est couvert. Même en vacances? Oui, autre chose? Non merci, au revoir Miss MAF. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. MAF, la référence qualité-prix. Offre soumise à condition. Après l'information, vous avez rendez-vous avec Denis Chessou et son magazine CO2 Mon Amour. Vous écoutez France Inter. On vous souhaite un bon week-end. Il est 14h.